Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Est-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance ? Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? En contrebas de ces deux jardins, il y en aura deux autres encore. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Deux jardins d'un vert des plus sombres. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Où il y aura deux sources dont l'eau jaillit en abondance. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? S'y trouveront des fruits, des palmiers et des grenadiers. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Mais il y aura des femmes vertueuses et belles. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Des houris retirés sous les tentes. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn n'aura souillé. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Ils seront accoudés sur des coussins verts, étendus sur d'épais tapis de toute beauté. Quel bienfait de votre Seigneur ! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Béni soit le nom de ton Seigneur, à la majesté suprême, à l'infinie noblesse.